Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission, comme à notre habitude, pour vous, amateurs de jeux. Et je salue tout de suite M. Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour M. Michaud. Comment ça va? Ça va. Timé à la seconde près, mon Facebook est ouvert, prêt à répondre à nos fans déchaînés. Parce qu'effectivement, mesdames et messieurs, vous voulez nous parler en direct sur Facebook, allez acheter M. Andrew Castegan à vos amis Facebook, et il se fera un plaisir de vous répondre dès qu'il pourra, finalement. Parce que Andrew n'est pas qu'un metteur en onde, c'est aussi un chroniqueur, et aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet bien particulier. Il va nous parler d'un jeu, il va nous faire une petite critique du jeu. Dead or Alive 6, ou encore, il porte le délicieux surnom Simulateur de gravité sur poitrine féminine. Effectivement, habituellement, on connaît le jeu-là principalement pour cet attribut, mais on va surtout parler du gameplay de combat. Et on va faire une reprise critique, mesdames et messieurs, parce que avant les fêtes, on vous avait parlé de trois jeux du Scorpion Masqué qui nous avait envoyé des jeux ici à tester, sauf que là, malheureusement, il y avait eu un problème d'enregistrement lors de l'émission. On n'avait pas pu la mettre sur Internet. Donc, on a décidé de refaire cette critique-là, de vous reparler de ces jeux-là aujourd'hui. Les jeux Switch, C'est pas faux, et la course des étoiles, qu'on va vous parler tout de suite après la première chanson. Et on va vous parler, bien évidemment, de nouvelles ludiques. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter toutes nos anciennes émissions, écouter des podcasts, lire des nouvelles également. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. Donc, sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale, vous allez nous retrouver assez facilement. Et vous allez appuyer sur le bouton « J'aime » parce que nous aussi, on vous aime, mesdames et messieurs. Et vous allez apprendre ce soir qu'être membre de la page Puissance Maximale, ça donne quand même certains avantages. Je n'en dis pas plus. D'ailleurs, je dois tout de suite vous avertir qu'il faut être attentif aux critiques des jeux qui s'en viennent, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient plus tard dans l'émission. Je n'en dis pas plus. Et comme à notre habitude... Je trouve que tu es très agace. Oui, effectivement. C'était mon surnom à l'université. C'est pas vrai. ça crée un léger bannage. Ouais, il y a comme Andrew qui me regarde avec un air bizarre. On va commencer, comme à notre habitude, en musique, mesdames et messieurs. On va commencer encore une fois par une reprise métal de monsieur Eric Calderon qu'on a entendu. Bravo, pour sa première fois qu'en émission tu dis son nom, ça fait je m'en rappelle dans cette émission aussi. Et là, on va entendre une reprise de plusieurs musiques du jeu. Des jeux Sonic. Donc, vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. chose, mon sang. Mettez plus de charbon dans la chaudière. Mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Mais oui, de retour à puissance maximale avec. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu cet indicatif-là de M. G. Couillard. Ouais, ben je me sentais nostalgique. T'as bien fait. Et là, mesdames et messieurs, on y va avec notre critique de jeu. Et là, on va vous parler des trois jeux du Scorpion Masqué qui nous ont prêté comme ça là, pour faire des tests. Et là, on va parler de trois jeux. On va commencer par le premier qui s'appelle C'est pas faux. Un petit jeu de cartes ici. On nous dit que c'est un jeu pour 3 à 10 joueurs qui dure une partie d'à peu près 20 minutes et pour les 10 ans et plus. En gros, le principe de C'est pas faux, c'est que vous avez devant vous un paquet de cartes avec des questions et il faut donner des réponses. Donc, tout dépendant de ce qui est inscrit sur la carte à l'endos, c'est là que vous allez décider, c'est là qui finalement on va savoir s'il faut que vous donniez une fausse ou une bonne réponse. Donc, je m'explique, disons que la carte dit faux. Donc, vous dites, on mesure la masse avec quel type d'unité? Ben, disons qu'on vous demande de dire faux. Ben, il faut pas dire gramme, kilogramme ou livre. Faut y aller à ce moment-là. Ben, vous y allez. En patate. Vous y allez. Ben, un peu. Il faut, ouais, c'est ça. C'est, il faut pas en dire. En mètre. Ah, ouais, c'est ça, en mètre. Faut y aller avec la mauvaise réponse. Il y a possibilité aussi de dire des réponses complètement farfelues, genre justement. En patate douce, évidemment. 3 patates douces est une unité de masse, bien évidemment. Donc voilà, c'est le genre de jeu que vous avez. Donc, rapidité, faut y aller quand même, parce que des fois, on va pas avoir justement le réflexe de donner la bonne réponse à ce moment-là. Le règlement, c'est ça, c'est rapidement comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on a beaucoup de matériel. J'essaie de quand même d'y aller vite pour pouvoir avoir le temps de parler des trois jeux. C'est ça, c'est pas faux, c'est que vous avez finalement... Je vous lis rapidement les règlements pour que ça soit plus clair. Donc, on prend le paquet de cartes, on met une carte dans la main, on met les cartes questions dans sa main gauche et on place les cartes face cachée, donc verso vers le haut, de façon à ce que les questions ne soient pas lisibles. On prend la première carte dans sa main droite en cachant le dos parce que c'est à l'endos de la carte qu'on va savoir finalement si on veut que ça soit faux, alors si on veut que ça soit une bonne réponse. Donc, ça va être inscrit sur les cartes. On prend donc, on lit à voix haute la question de son choix. En même temps, quand on termine la lecture, on va retourner sa main gauche vers l'auditoire parce qu'on parle, évidemment, on pose la question à une seule personne et on révèle aux autres joueurs le verso de la carte suivante sur le dessus, qui est sur le dessus du paquet de cartes questions. Donc, après ça, on ne montre pas le verso de la carte sur laquelle est inscrite la question. C'est de la main droite. Tous les joueurs peuvent maintenant répondre à la question à voix haute. Voilà. Où est-ce qu'on va en venir tantôt? Seule la réponse du premier joueur à parler sera prise en compte. Remarque, donc, si une réponse demande plusieurs éléments, donc, ce sont les deux couleurs qui composent le vert, on considère que le premier à avoir répondu est le premier à terminer sa réponse. Donc, finalement, c'est celui qui va répondre le plus rapidement à la question. Si plusieurs répondent presque en même temps, le lecteur décide qui a parlé. Donc, on a un juge à la fois pour ce jeu-là. On vérifie ensuite si le joueur a répondu de façon convenable. Si le verso indique vrai, le savant ou la couleur verte, une réponse convenable est une bonne réponse à la question. Si c'est faux, s'il y a le cancre, donc c'est comme un bonhomme avec un chapeau d'âne ou une pastille rouge, ben là, à ce moment-là, il fallait répondre faux. Puis là, il y a même possibilité de répondre... répondre aussi des questions complètement farfelues. Donc, pour une même question, la question peut revenir, puis des fois, il va falloir répondre vrai, d'autres fois faux. Donc, finalement, la question peut revenir, mais il faut donner finalement la bonne ou la mauvaise réponse. Donc, cette question-là peut revenir plusieurs fois dans le jeu. Donc, si on va marquer des points et à la fin des tours, ben celui qui aura le plus de points va gagner. Ça, il y a aussi les questions qui n'ont pas de réponse. À ce moment-là, c'est toi qui avais pu jouer plus longtemps ce jeu-là. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut soit dire le nom du jeu, c'est pas faux, ou encore on peut créer une phrase ou un mot maison comme exemple. Bisoun, ou la bisoun à Michael Michaud. Genre. Et quand on a cette question-là, ben, on répond bisoun, puis c'est nous autres qui a le point. Et voilà. moi, je trouve ça. Ouais, peut-être pas utiliser. Maintenant, je peux mettre un crochet dans ma vie. J'ai parlé de bisous à la radio. Ouais, effectivement, tu peux cocher ça sur ta to-do list. Je peux mourir en paix maintenant. Et voilà. Et c'est ça, c'est un jeu vraiment intéressant. Encore là, rapidité, observation. Et voilà, c'est une belle petite. Ça permet de faire des parties quand même assez rapides, une vingtaine de minutes. Et on peut jouer quand même à plusieurs. J'imagine qu'à 10, là. À combien de personnes tu l'avais testé? Vous étiez 4? Puis déjà là, ça doit être quand même assez drôle. Ouais, mais le truc que je vous conseille, c'est de pas jouer avec quelqu'un qui travaille de nuit. Parce que les cas, tu sais, on lit ça rapidement. Parce que, non, mais tu sais, parce que quand il faut répondre faux, tu sais, il faut quand même que la réponse fit un peu. T'es comme tantôt, je donnais un exemple, patate, ben t'sais, une patate, ça pèse de quoi, t'sais? Fait que t'sais, ça peut servir d'unité de mesure de masse, même si ça n'est pas réellement une. Mais on s'entend-tu que si vous répondez, je sais pas moi, galaxie, ça comme pas de lien. Okay. Il faut dire aussi que quand vous répondez pas de la bonne façon, donc comme la carte le demande, ben vous perdez des points en plus. Puis là, le lecteur va lire 5 questions consécutives. On fait le tour des joueurs comme ça, puis après ça, ben quand c'est fini, puis celui qui a le plus de points gagne. Donc voilà, ça fait. J'adore ce genre de petit jeu là. Moi, je recommande ça justement. Je trouve que c'est des parties assez rapides. En partie à la maison, nous recevez des amis après souper. Coupe de verre de vin de prix, ça peut être assez intéressant. Et dans le même genre, un peu de jeu, on va passer au deuxième. Donc, le premier dont on vient de vous parler, ça s'appelle C'est pas faux. L'autre s'appelle Switch. Switch, écoutez, c'est un peu dans le même genre, dans le sens où on va avoir des expressions. Donc, on va lire une expression et il va falloir finalement trouver la bonne. On parle vraiment du contraire. Donc, ici, si je veux parler de les 21 corvées d'Ulysse, il faut trouver la vraie expression. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est? Et là, vous allez avoir des indices. Donc, plus vous demandez d'indices, moins vous allez avoir de points. Donc, ici, vous avez premier indice mythologie, deuxième Astérix. Donc, et vous savez, on finit par comprendre que la vraie expression, c'est les 12 travaux d'Hercule. Donc, quand vous allez jouer, vous prenez votre paquet, vous le brassez et vous allez jouer seulement avec un côté à la fois. Donc, disons que dans le sens que c'est parce que sur chaque carte, vous avez une série. De chaque côté, vous avez une série de questions. Donc, ça fait quand même pas mal de questions, là, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Là. On parle d'un jeu de 2 à 20 joueurs, 20 à 30 minutes, 14 ans et plus. Et là, à ce moment-là, vous pouvez, si je me rappelle bien, parce que c'est ça, nous, ça fait un petit peu qu'on n'y avait pas joué, mais c'est ça, c'est que finalement, vous allez y aller comme ça, puis vous allez lire selon, vous allez gagner des points selon si vous allez avoir, vous allez demander plus ou moins de détails ou plus ou moins d'indices finalement sur la question qu'on vient de vous poser. Donc c'est tout simplement ça. Écoutez, c'est moi, ce genre de jeu-là, j'adore ça, puis c'est très bien réussi justement parce que ça nous permet de se creuser un peu le coco pendant qu'on pose les questions. Moi, je suis pas bon à ces jeux-là. Fait que moi, j'ai moins aimé ça. Moi, perdre un jeu de cocologie, je trouve qu'il manque de stratégie dans ces jeux-là. Ben là, c'est pas un jeu de stratégie, justement. Mais non, mais t'sais, si je pourrais avoir une serviette, la lancer en face des gens, un café chaud que je pourrais renverser, je trouverais que ça changerait la dynamique du jeu. Mais c'est ça, toi, je sais, effectivement, je me rappelle qu'on avait joué à plusieurs jeux de ce genre-là, puis c'est pas ta force. Mais moi, j'adore ça. Puis Switch en est encore un bon exemple, là, pour ceux, justement, qui veulent avoir. Il faut quand même penser vite. Puis ça tourne l'esprit, là, justement, là, parce que des fois, on se dit, bon, c'est facile, là, comme là, j'ai parlé tantôt des 12 travaux d'Hercule, mais là, je peux en sortir d'autres. La butte frémissante. Essaye de me trouver la vraie expression. Là, évidemment, c'est version québécoise. Je te donne un indice. Géographie. Et je te regarde avec des yeux vitreux. Et là, je te donne le deuxième indice. Laurentide. Andrew, c'est le Mont Tremblant. Donc, une butte frémissante. Mont Tremblant. Donc, c'est pas, tu sais, c'est le contraire. C'est des mots qui se rapprochent, mais c'est. C'était-tu pour te venger du fait que j'avais parlé de ta bisoune en onde? Il fallait que tu démontres à quel point j'étais pas bon à ces jeux-là en onde? Non, pas du tout, Andrew. Je voulais simuler une question comme ça qui va être lancée pendant une partie. Okay, encore une fois, un jeu vraiment intéressant. Vous pouvez aller vous chercher ça en magasin. Chez vos meilleurs vendeurs de jeux, ils vont avoir ça, c'est sûr et certain. Vraiment, vraiment très intéressant aussi. Switch de l'équipe du Scorpion Masqué. Et on va finir avec un troisième jeu qui est pour les plus jeunes un peu. Ça s'appelle La Course des Étoiles. On parle de 2 à 5 joueurs pour une quinzaine de minutes. On parle de pour les jeunes de 7 ans et plus. Mais évidemment, on dit toujours 10 ans et plus, 14 ans et plus, mais c'est bien évidemment aussi fait pour les adultes parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de fun avec ces jeux-là. Et pour La Course aux Étoiles, à quoi ça consiste, Endo? En fait, il s'agit d'une planète qui est en... Ben, de plusieurs planètes, en fait, dans une galaxie qui est sous le joug d'une supernova qui risque de détruire la galaxie. Et en tant qu'extraterrestre, il y a 5 races d'extraterrestres qui ont décidé « Ah, tant qu'à sauver notre peau, on va faire une course! » Fait qu'ils ont fait... dans le fond, le principe, c'est une course pour se rendre à la sortie de la galaxie avant que la supernova vous englobe et que vous mourrez dans l'atroce douleur. Mais c'est pas comme ça qui est écrit dans les règles, mais on en déduit en tant qu'adulte que c'est ça qui arrive. Et dans le fond, le but du jeu, étonnamment, ce n'est pas d'arriver le premier à la sortie de la galaxie, parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une course et il y a des pointages dépendamment des positions. Et comment ça fonctionne, c'est que vous avez une série de 55 cartes que vous devez placer en spirale. Vous placez les 5 jetons d'extraterrestres et les autres cartes que vous n'avez pas placées dans la galaxie, c'est dans le fond des cartes qui vont avoir des images dessus, soit des dessins des extraterrestres qui courent, ou encore des cartes permettant d'interchanger des places. Oui, en fait aussi changer de favori. Par chose à savoir, c'est que vous avez deux cartes favoris de départ, une visible, une cachée. La carte favori dit quel extraterrestre que vous devez prendre pour avoir des points. Et il y a possibilité d'avoir jusqu'à 2 cartes favorites visibles. Donc vous pouvez interchanger ça avec vos adversaires, faire en sorte que vous en pigez des nouvelles, ou encore faire avancer l'extraterrestre. Et le principe, c'est que le premier qui arrive à la sortie de la galaxie n'a aucun point, le deuxième 3 points, le troisième 2 points, le quatrième 1 point, et le cinquième perd 1 point. Donc vous comprendrez que c'est à votre avantage d'avoir 3 favoris pour faire plus de points. Et aussi en même temps de ne pas être premier ou cinquième. Donc c'est en fait un jeu qui joue quand même très rapidement. Je vous dirais que c'est cela, comme tu disais, c'est peut-être un peu plus pour les jeunes parce qu'il n'y a pas vraiment de principe de réflexion comme C'est pas faux ou encore Switch, à l'exception que faut être un peu stratégique. Par principe, qu'il faut pas que nos favoris se retrouvent à l'avant. Et s'ils se retrouvent à l'avant, comment allons-nous faire pour changer nos cartes et ainsi changer le destin de notre partie et de nos points? Excellent, merci beaucoup Andrew. Et là, tantôt je parlais du Switch, du principe, même j'ai retrouvé les cartes, je voulais vous parler du règlement un peu. En gros, rapidement, c'est pas vraiment le contraire tout le temps. C'est le contraire, un synonyme ou un mot de la même famille qui va être finalement dans la phrase qu'il va falloir décortiquer pour trouver la vraie expression. Donc finalement, c'est que ça se joue d'un côté à la fois, comme je disais, pour les cartes. Le premier joueur est désigné pour être le lecteur et tire une première carte du paquet Switch en prenant soin de cacher aux autres joueurs le côté de la carte qui va être lu. Pour chacune des 5 expressions, il agit de la manière suivante. Il va lire à haute voix la première expression. Donc, la première expression. Tous les autres joueurs peuvent alors tenter des réponses. Le premier à donner la bonne réponse marque des points. Et là, on a une table de points plus loin qui nous explique combien de points on marque. Après ça, si aucune des expressions n'est bonne, il lit le premier indice, écoute les propositions, et il lit le deuxième indice s'il n'y a personne qui le trouve. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a personne qui trouve la bonne réponse, il va donner la solution. Après ça, ben, il continue comme ça pour le reste de la carte. Pour chaque expression retrouvée, 3 points vont être donnés à la personne qui le trouve sans avoir d'indice, 2 points à la personne qui a un indice, et 1 point pour la personne qui aura eu besoin de 2 indices à ce moment-là. Donc après ça, le joueur à la gauche va devenir le prochain lecteur et il va continuer comme ça. La fin de partie, finalement, c'est avant le début de chaque partie, le joueur se met d'accord pour pour la condition de victoire, soit le premier joueur à atteindre un pointage convenu, disons 10, 20, 30 points, le meilleur point ou le meilleur pointage à l'issue d'un nombre de cartes jouées. Après 10 cartes, qui c'est qui a le meilleur score, ou le meilleur pointage à l'issue d'un temps de jeu donné. Après 20 minutes, qui c'est qui a le meilleur score. Et voilà, c'est... vous pouvez même jouer en équipe également, ce qui donne, tu sais, quand on parle de 2 à 20 joueurs là, c'est pour ça qu'on peut suggérer de faire ça en équipe. Un excellent jeu, comme C'est pas faux, c'est un peu dans le même genre. Moi, j'ai adoré Switch, je le recommande à tout le monde. Même chose pour C'est pas faux qu'on a parlé un peu plus tôt, et de la course aux étoiles également, petite partie rapide également que vous pouvez jouer avec les plus jeunes. Donc, c'est ce qui conclut notre critique des jeux du Scorpion. Mais est-ce qu'on tient à remercier M. Christian Lemay qui nous a fait parvenir ça? Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du Scorpion Masqué de nous présenter de si beaux produits. Donc, On va y aller en musique, M. Endo. Oui, une tune que tu vas aimer parce qu'elle porte le même nom que ton personnage de Pathfinder. Et oui, mon personnage de Pathfinder qui est un peu un hommage à l'univers de Conan. Et on parle de Chrome par le Null Band. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. C'est le dieu barbare de la baston. Chrom, des mandales, des ch'tars, des nions. Oh, oh, oh, Chrom, assis en haut de sa montagne. Quand les guerriers meurent, ils ricanent. Chrom, devenu dieu de ses propres mains. Chrom, avec des techniques de bourrin. Oh, oh, oh, Chrom, il a soloté tous les donjons. Sans armure et sans pantalon. Stratégie. Chrom n'a jamais rien compris. C'est la baston et voilà. Chrom, on en parle en mangeant du poulet. Chrom, dans les campements qui sentent les pieds. On le prie, mais il n'écoute pas. Car il s'en biffre au Valhalla. S'équiper d'une grosse épée, massacrer à tour de bras. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant. Son cerveau, Chrom, a traversé la mer en nageant avec son glaive entre les dents. Chrom a coupé la tête au Léviathan. Chrom a fait pleurer la Chuck Norris. Il va bien plus loin quand il pisse. Oh, ne s'est jamais peigné, Chrom. D'un seul regard, il peut tuer. Oh, oh, oh, Chrom. A des filles à ses pieds, Chrom. La main sur son épée, Chrom. Boit sa bière dans un crâne éclaté. A gardé le secret de l'acier. Chrom et si tu viens lui demander. Oh, oh, oh, Crom, mais où est donc le secret perdu? Il te répondra dans ton. Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Chrome du Null Band. Maudit que j'aime ça, ce tune-là. Je l'aime beaucoup. Ah, ça fit très bien avec ton personnage. Du nom de Chrome. Donc, on va continuer, mesdames et messieurs, en nouvelle ludique avant d'aller avec la critique de M. Castegan. Et là, il y a M. Francis Gagnon qu'on connaît, là, qui est animateur à l'espace socio-jeux, qu'on a déjà reçu à l'émission, qu'on aime beaucoup. Et là, il nous a envoyé une petite nouvelle via Facebook, M. Castegan. Oui, en fait, il paraîtrait qu'il y aurait un volet ludique au Musée de la Civilisation actuellement jusqu'au 10 mars. Donc, dans le cadre de la semaine de relâche. Exactement. Et aujourd'hui et demain, il y a aussi un spécial à l'espace socio-jeu, une promotion. Je me rappelle, François avait envoyé une invitation à moi là-dessus. C'était les joueurs en relâche, et j'ai l'événement ici, donnez-moi deux secondes. De jeudi à dimanche, les jeux sont à l'honneur à l'espace socio-jeu. Deux animateurs sur place, dont Monsieur Francis Gagnon. Yes. Jeudi, vendredi après-midi, en famille et entre amis, chaussures, c'est gratuit. Oh yes, ça c'est on aime ça. Vous allez découvrir des bons jeux de société, des jeux de plateau. Vous allez voir Monsieur Gagnon qui est un expert, un passionné qui s'occupe de socio-jeux, mais on se rappelle qu'il s'occupe aussi du volet jeux à Juste pour rire à Montréal également depuis un petit bout. Un expert, un passionné, allez le voir à l'espace socio-jeux. Tu peux nous rappeler l'adresse? Est-ce que tu as ça sous la main? On va vous le rappeler. 840 Avenue Mirand à Québec. Excellent. Donc, pour les amateurs de jeux, ceux qui veulent en découvrir, vous cherchez un endroit où aller avec la famille pour la relâche, bien, allez voir M. Gagnon. Ça vaut la peine. C'est un vrai de vrai, comme on dit. Ah, et quand il était venu, je me rappelle, on voyait la petite étincelle dans les yeux. Fait que si, je vous dirais, si vous voulez un bon animateur, là, c'est le moment. Vous vous tromperez pas. On continue avec d'autres nouvelles, M. Castegan. Oui, en fait, on... Voilà, je suis prêt maintenant. Mais en fait, une petite nouvelle que je trouve très, très drôle, parce qu'on va parler d'écologie, mesdames et messieurs. Mais oui, mesdames et messieurs, parce que vous savez qu'il arrive parfois à l'occasion à l'organisme PETA, donc qui sont pour les droits des animaux, assez agressif. Et on va se rappeler qu'ils ont déjà fait une campagne contre Mario à cause du fameux Tanuki Suit. Ouais, c'est ça. Qu'il avait fait un genre de jeu flash où... Mario... Très sanglant, oui. Mario, vraiment... Portait des peaux de raton. Voilà. Donc, c'est le genre de plaintes-là qui sont plus ou moins fondées là, chez PETA. Et là, ils ont attaqué, mesdames et messieurs, le nouveau titre de Ubisoft qui a été annoncé la semaine dernière. Assassin's Creed 4 Black Flag. Black Flag, et voilà. Tu t'es pas trompé, t'as dit le bon nom. Je pensais que je m'étais trompé de lettre. Donc, voilà. Et ils ont fait une plainte parce que... À un moment donné, dans la vidéo, puis là, ça parle qu'il va falloir chasser une baleine. Moby Dick. Et là, PETA a pas aimé ça. Ils ont fait une plainte à Ubisoft. Et là, Ubisoft, aujourd'hui, a répondu avec une réponse, ma foi, très savoureuse. Et M. Andrew Castagan va nous lire ça. Oui, ça vaut la peine. L'histoire joue un rôle primordial dans Assassin's Creed. 4 Black Flag est une fiction qui retranscrit les événements de l'âge d'or de la piraterie. Nous ne cautionnons pas la chasse à la baleine, au même titre que le comportement de ces individus alcooliques à l'hygiène douteuse menant une vie faite de pillage, d'actes de piraterie et de débauche. Voilà, il me semble que c'est une réponse amusante, drôle et quand même assez claire. Là, on est devant des œuvres de fiction. Si à chaque fois qu'un film ou un jeu sortait et que tout ce qui se fait dans le jeu, dans ce film-là, ben on disait, ben là, les créateurs cautionnent ce genre d'action-là, ben il n'y aurait pas de cinéma, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de musique non plus. C'est un peu ridicule comme réaction de la part de PETA, mais bon. Ubisoft a très bien répondu et est allé d'une petite pointe d'humour. Toujours, je pense, la bonne façon de répondre à ce genre... je pourrais dire ça, de plainte abusive de la part d'un organisme du genre. C'est pas que je suis contre les droits des animaux. Au contraire, j'adore les animaux. C'est juste que faut pas oublier que ce genre de lobby protecteur des animaux, c'est aussi de la business pour beaucoup. Hein. Et PETA, c'est une grosse business. C'est-à-dire qu'il faut, ils veulent se faire voir, ça rentre un peu dans la game, dans leur pour eux. Donc, c'est un peu dommage que des fois, ça... ce soit la business qui prenne la place de la, des vraies actions pour la protection des animaux, là, des choses concrètes. Mais bon, continuons, ça a été mon coup de gueule sur la business. Tu as répété exactement la même chose que Brent Oldfloss, artiste du web qu'on aime beaucoup, déjà. Ben oui, il avait commenté sur la plainte de PETA contre le Tanuki Suit. Ben, il avait fait effectivement une sortie. Donc voilà, c'est dit. Et autre nouvelle, M. Castegan? Oui, en fait, nous autres, Puissance Maximale, on est souvent porteurs de mauvaises nouvelles dans l'industrie du jeu vidéo. Je dis ça avec un rire, c'est toujours un petit peu ironique. On annonce une autre fermeture de porte d'un studio. Ici, on parle de BioWare San Francisco, qui, ben, niquait pas. C'est pas le plus gros studio de BioWare. Là. C'était la division, dans le fond, de 25-30 employés à San Francisco qui faisait les browser games, dans le fond, comme Dragon Age Legend et Mirror Edge 2D. Dans le fond, des jeux qui se jouaient dans les navigateurs, les réseaux sociaux et tout le kit. On avait déjà parlé, d'ailleurs, des jeux de réseaux sociaux qui commençaient à battre de l'aile, les Zynga et compagnie qui commençaient à voire mal, mais ça, ça en est une preuve. Donc, le studio a été fermé et ça serait la structure Electronic Arts qui aurait jugé que ça coûtait trop cher et a décidé de fermer la boutique. Malheureusement, mais c'est toujours plate de voir qu'il y a des gens de l'industrie qui perdent leur emploi, mais bon, c'est la vie, on est dans un monde comme ça, faut performer. Désolé, c'est bien plate, mais la vie continue. Autre nouvelle avant de retourner en musique, M. Castegan. Oui, ben en fait, ça va être deux nouvelles rapides. Yes. On est fan de Kickstarter ici. Oh oui. À Puissance Maximale, parce qu'il y a beaucoup de jeux, de vieux jeux old school encore des fois que les studios d'origine rachètent les droits et disent on va faire quelque chose comme dans le bon vieux temps, et nous en tant que rétro gamer assumé, on aime ça. Donc deux nouvelles. La première. Pour moi, personnellement, je suis un grand fan de la série Shenmue, jeu qui a commencé sur la Dreamcast et qui, malheureusement, a terminé avec le deuxième volet parce que ces jeux-là coûtaient énormément cher à la production. C'était quel genre de jeu, pour rappeler aux gens? C'était un genre de jeu d'aventure à la troisième personne avec des événements, quick time event dans certains scénarios du jeu. Dans le fond, quick time event étant une cinématique avec des boutons appuyés au bon moment pour avancer dans le jeu. Sauf qu'en même temps, qu'est-ce qui était bien, c'est qu'on pouvait vivre une vie day-to-day, aller travailler, déplacer des caisses, dans le fond, pour gagner de l'argent, pour aller dans les arcades ou des choses comme ça, parce que ça se passait le premier au Japon et le deuxième en Chine. Donc, tu sais, on pouvait vraiment faire plein de choses. C'était vraiment un open world, pas à la grandeur que Grand Theft Auto faisait. On pouvait pas prendre une moto ou un auto pour se promener comme on voulait. C'était des maps prédéterminées, mais c'était ce genre de petit jeu, un peu comme Yakuza. Ok, ouais. T'es un peu dans ce genre-là. Puis, dans le fond, c'est une série que, personnellement, j'ai trouvé l'histoire excellente. Et malheureusement, Yu Suzuki, ouais, c'est ça. Le créateur du jeu, dans le fond, a jamais pu sortir le troisième volet parce que Sega a jamais donné le feu vert. AM2, qui était le studio au-dessus de ça, a jamais donné le feu vert. Et c'est comme tombé dans le néant. Et sans compter le Vaporware Shenmue Online, qu'on a eu des trailers, des images, un site web, mais que, mystérieusement, le site est plus à jour et personne n'a annoncé finalement que ça allait arriver au jour. Mais là, tu es en train de parler de quelque chose qui s'en vient sur Kickstarter. Pour une suite? Oui, en fait, c'est pas parti encore, mais l'auteur a dit qu'il commençait à songer vraiment particulièrement à partir d'un Kickstarter pour pouvoir financer le jeu et le sortir. Puis en même temps, ben les jeux ont quand même été un succès parce que à l'époque, parce que on parle quand même de l'époque du Dreamcast, là, ça n'a pas été un succès, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas fait le troisième. Ça a été modéré, mais c'est à cause que la production des deux jeux, excusez-moi, j'ai mal lu la phrase, la production des deux jeux s'est élevée à plus de 70 millions de dollars à l'époque. Ouch. Ça n'avait pas été un succès commercial. Ben, ça a marché énormément au Japon, mais quand c'est arrivé en Amérique... Ouais. Ça arrive souvent qu'ici, ils n'ont pas les mêmes goûts, hein. Mais malgré qu'ils sortent des excellents jeux là-bas, que malheureusement, on n'a pas, on réussit pas à avoir ici. Puis c'est ça, l'auteur, il voulait, dans le fond, sortir le nouveau jeu. Le problème, c'est que Sega est toujours détenteur de la licence, mais il était en prévision de la vendre. Et lui, il prévoyait avec le Kickstarter racheter la licence et partir le financement du jeu. Donc, une bonne nouvelle pour les fans de cette franchise-là. Oui, rapidement, avant de passer à l'autre nouvelle, j'ai une parole de Vincent Langlois, grand maître spirituel. Oui, oui. à propos de la nouvelle de PETA. Il dit qu'il a rejoint Morrowind aujourd'hui et qu'il doit avouer avoir tué un Nalit, un prédateur à deux jambes qui ressemble à un petit dinosaure, et qu'il espère ne pas avoir de réprimande de la PETA. Écoute, Vincent, moi-même, je dois faire une confidence ce soir. Moi, j'ai joué à Skyrim avant hier. J'ai tué un ours. Et j'ai vendu sa peau pour de l'argent. Tu encourages le braconnage? Je me sens sale présentement. On va passer à une autre nouvelle parce que je pense que non, je suis plus capable. Fait que sinon, dernière petite nouvelle, une suite du RPG Torment, qui était dans le fond un jeu de rôle qui a quand même été un gros succès. Moi, personnellement, j'y ai pas joué, mais le nom, je l'ai déjà vu. Je crois qu'à l'époque, j'étais trop dans les Baldur's Gate et Neverwinter Night de ce monde pour avoir joué à ce jeu-là. Mais effectivement, une fois que j'ai vu les nouvelles et le logo, j'ai fait « Ah oui, ce jeu-là! » Et dans le fond, c'est pas une suite directe, c'est plutôt une suite spirituelle de Planescape Torment. Attendez un peu. La suite spirituelle de Planescape Torment, le jeu de rôle Torment Tide of Numera. Dans le fond, ça, c'est la suite spirituelle du jeu. Le studio a décidé de faire, dans le fond, un financement Kickstarter. Là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il demandait 900 000 $ pour un, évidemment, habituellement, c'est un 30 jours de financement. Et c'est un succès assez énorme. On parle de... En 6 heures, combien? Ils ont atteint l'objectif. Et là, en à peu près une journée, parce que là, le compteur est descendu à 29 jours, on parle qu'ils ont annoncé 1 926 326 $. Ils ont fait plus que le double en une journée. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a quand même une bonne fanbase pour ce jeu-là. Les gens ont réagi. C'est pour ça que j'aime Kickstarter. On le sait tout de suite si on a un projet intéressant entre les mains. En tout cas, si on a des gens derrière nous, ben ça réagit comme ça. Donc, félicitations à cette belle gang-là qui vont réussir à avoir un beau financement pour leur nouveau jeu. Et M. Castegan, on va retourner en musique avec quelle chanson? La chanson thème de Inspecteur Gadget. Oh yes, un classique des classiques. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec! Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas? Ouh, ouh, ouh. Oh là je suis là! Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà! Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go go. Gadget à main. Gadget au chapeau. Hey, oh. Gadget au doigt. Hola. Élastique au gadget. Les bandits sont là. Inspecteur Gadget. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe. Capon Gadget. Qui marche ou marche pas. Du pipotatraque. Inspecteur Gadget. V'là le chef qui est là. Ouh, ouh. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh, ouh. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi. Go go. Gadget à main. Là-haut. Gadget au chapeau. Go go. Gadget au foin. Gadget, et puis pas t'attraque. Inspecteur Gadget. V'là le chef qui est là. Ouh, ouh. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas? Ouh, ouh, ouh. Oh là je suis là! Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi. C'est moi que voilà. Inspecteur Gadget. Ah ça va être la joie. Ouh, ouh, ouh. Au nom de la loi. Inspecteur Gadget. Je vous arrête là. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mais mon Dieu, Andrew, qu'entends-je? On a sorti ça des boulamites. Et oui, mesdames et messieurs, cette musique, c'est la musique qu'utilisait M. François Gécouillard pour annoncer un concours, mesdames et messieurs, à puissance maximale. Et mais... Attends un peu, Mike. Ah, douce musique à mes oreilles. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce qu'on on va vous faire tirer un prix, bien évidemment, et c'est un des trois jeux qu'on a fait, dont on a parlé aujourd'hui. On va vous faire tirer la course des étoiles, donc d'Andreas Pélican, qui a été... distribué, édité par Le Scorpion Masqué. On vous fait tirer ça. On a une question pour vous, mesdames et messieurs. Et tout de suite... Il va falloir vous écouter les instructions, parce que si vous le faites pas comme faut, on pardonne pas. Ça marchera pas. Là, ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs, premièrement, il faut être quelqu'un qui aime la page de puissance maximale, bien évidemment. Et il va falloir envoyer un message à M. Castegan via le inbox par message privé sur la page de puissance maximale. Pas le mien, là. Non. Le message privé de puissance maximale. Oui, et on a une question. Il va falloir répondre à la question. Et ce sera le premier, évidemment, qu'on va recevoir, qui aura la bonne réponse, qui recevra ce magnifique jeu. Et la question est... Écoutez, depuis 3 ans, depuis 2011, puissance maximale se présente dans un festival pour faire la couverture médiatique, pour faire des entrevues. Et depuis 2 ans, on fait une émission spéciale là-bas. On aimerait savoir quel est le nom de ce festival. Donc, tout simplement, est-ce qu'on donne un indice, Andrew? La dernière signature qu'on a eue de Esteban, c'était une invitée de ce festival. Qui se passe dans la ville de... On donne pas d'indice là-dessus, ça va être trop facile. Ça va être trop facile, mais... Rendez-vous sur le site ou encore rendez-vous... Fouillez un peu et vous allez avoir le nom de ce festival assez rapidement. Donc, on vous laisse quand même le temps de la chronique de M. Castegan. On a déjà un gagnant, mesdames et messieurs. On a déjà un gagnant. Et qui est ce gagnant? M. William Bailey. Oh, M. Bailey, et qui se mérite la course des étoiles du Scorpion Masqué. Félicitations, M. Bailey. On va vous organiser ça pour vous envoyer ça par la poste, ou si vous êtes à Québec, vous viendrez vous contacter. Il est à Montréal. Fait que, William, envoie-moi ton adresse et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Excellent. Donc, il y aura d'autres tirages qui s'en viendront comme ça. Parce que quand on a des gens comme le Scorpion Masqué qui nous permet d'avoir des jeux... Je pense que c'est la première fois... Depuis qu'on est de retour à CKIA, effectivement. C'est la première fois depuis que je suis là, à puissance maximale, que je vois un concours se gagner aussi vite que ça. Le monde est rapide sur le piton. Hey, donc, félicitations, M. Bailey. On a de l'engouement, on a des fans. Évidemment qu'on a des gens comme ça, comme le Scorpion Masqué, qui nous aide comme ça pour des critiques et tout, ben ça nous fait plaisir d'offrir ça aux fans de l'émission et à faire découvrir des beaux produits comme ça aux gens, aux amateurs de jeux. Et là, M. Castegan, on va y aller avec votre chronique. Oui. Et on va vous parler de Dead or Alive 6. Ah, je voulais dire simulateur de gravité de nichon. Non. Ben là, tu l'as dit, mais t'aurais pas dû. Donc là, tu vas nous parler de la version sur quel support? PS3. Sur PS3. Oui, en fait, Dead or Alive, jeu de combat qui est considéré par beaucoup comme étant le grand rival spirituel de la série Street Fighter, Tekken. En fait, pas mal tous les jeux de fighter populaires, en fait, mais délaissé par plusieurs, parce que ça reste que souvent c'est des filles, puis là le gros attrait souvent de ce jeu-là, on l'a dit tantôt, c'est le fait que les seins des femmes rebondissent souvent un peu, pas mal trop. En fait, c'est Tecmo de mémoire, la compagnie qui fait Dead or Alive, se sont souvent vantés justement qu'ils avaient un moteur physique qui calculait au centimètre près le rebondissement d'une poitrine de cette taille naturelle, ben bien oui, sûr. Tout à fait. Donc, on ne parle pas. Évidemment, c'est tout le temps que de belles vies, que de magnifiques femmes minces et élancées. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté cette année dans la version, ben l'année passée en fait, dans cette version, c'est la sueur, bien sûr. Donc, c'est de toute beauté. Maintenant que c'est dit, passons... Excusez-moi, je me suis trompé de numéro de version, c'est Dead or Alive 5. J'étais une version dans le futur, vous m'excuserez. Donc, laissons de côté ces éléments et parlons du jeu en tant que tel, parlons du gameplay. En fait, c'est un jeu de combat où, dans le fond, c'est le jeu par excellence du button smashing. Si vous êtes nouveau, généralement, vous allez être capable de sortir à peu près 3/4 des techniques des personnes, à l'exception si vous vous battez contre une personne qui connaît les techniques de grab, parce que ce jeu-là, c'est le jeu du counter-attack par excellence. Est-ce que pour le gameplay, on peut penser à quelque chose qui ressemble à du Tekken, à du... Je dirais que le jeu le plus proche de Dead or Alive 5 serait effectivement Tekken. En frais de rapidité de jeu, de gameplay, je dirais que c'est... C'est un 3D. Là. Exactement. Donc, je dirais que Tekken, effectivement, c'est un bon exemple, Michael. C'est pas mal le cousin de la fesse gauche. Comparatif. Effectivement. Et dans le fond, c'est un jeu où vous avez différents types de personnages. Vous avez les personnages qui frappent très très fort mais plus lent et qui encaissent plus. Vous avez des personnages très rapides qui font moins mal mais qui c'est des comboistes. Donc, si vous réussissez à faire un combo, vous allez en faire quasiment à l'infini, à moins que l'autre connaisse les techniques du counter grab. Parce que dans ce jeu-là, vous pouvez bloquer et vous pouvez attraper dans le fond les adversaires pour faire une technique. Sauf dans ce jeu-là, si vous avez le timing parfait, vous pouvez prendre l'attaque de l'adversaire et le revirer contre lui. Donc ça, c'était un des points forts de la série Dead or Alive depuis des années. Les fans de cette série-là généralement apprécient ce jeu-là, non seulement pour les gentilles demoiselles, comme tu parlais, mais aussi pour cette mécanique de jeu. Et aussi, il n'y a pas de concept de ring out dans Dead or Alive. Si vous propulsez l'adversaire hors de l'arène de combat, ben il va débouler des escaliers ou encore tomber en bas d'une bâtisse et vous allez y faire encore plus mal. Donc, on va continuer dans une autre partie du tableau, finalement. Exactement. Nouveauté qu'il y a eu dans la série Dead or Alive 5, c'est que là, ils ont mis un principe de power attack qui fait en sorte que si vous chargez une attaque assez forte et que vous la logez sur votre adversaire, il va avoir un slow-mo qui va vous permettre de viser un des éléments qui se brise dans l'arène de combat et faire une attaque puissante pour projeter votre adversaire dans cet endroit-là et l'expulser de l'arène de jeu. Mais t'avais l'air de dire, hors d'onde tantôt, que c'était difficile à faire ça. Et effectivement, parce que c'est une nouvelle mécanique et Tecmo a pris la tournure Tecmo Koei ont pris la tournure de « on ne met plus de livret d'instructions dans le jeu ». Donc, vous avez un petit pamphlet avec le minimum, mais vous n'avez pas toutes les attaques, tous les combos et les explications de système de jeu. Mais à la base, en plus, est-ce que les commandes, justement, pour faire les combos, les prises, les techniques, est-ce que c'est compliqué à apprendre? Non, c'est pas si compliqué que ça, sauf que il y en a énormément. Donc, tu sais, vraiment, la liste est très, très longue. Je trouve que, personnellement, la classification est peut-être pas idéale dans ce jeu-là. Et pour faire ces attaques-là, la seule façon que vous avez, c'est soit vous tapez le tutoriel qui est par principe de petite mission, qui est atrocement longue et ennuyante, ou encore, vous allez dans le menu de commande de Dead or Alive et vous en regardez tous les combos de tous les personnages et que vous essayez de trouver la combinaison de votre personnage qui fait cette attaque-là. Donc, ouais, j'avoue que... Ben, des fois, les techniques, là, trop, c'est comme pas assez, là, dans le genre de combat, dans le genre de jeu-là. Moi, ça me... Souvent, je vais apprendre les techniques, là, je fais, ouais, il y en a ben trop, de la marde, je vais donner des coups sur les boutons jusqu'à temps qu'il y ait un combo qui arrive. Ben, tu sais, ça, c'est genre exemple. Ces combos-là, c'est généralement, mettons, coup-point, coup-pied, coup-point, coup-point en arrière, coup-pied. Tu sais, genre, c'est ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, c'est juste, ça va gauger la puissance du coup, à quel endroit vous allez le faire. Parce que si vous voulez faire un counter-grab, dans le fond, l'agripper de défense, c'est pour vous défendre, ben, il faut que vous le fassiez à la bonne hauteur. Parce que si vous faites ça pour une attaque de haut, puis vous faites attaquer les pieds, on sent entends-tu que ça marche pas? Et c'est le sens logique de la chose. Fait que c'est tous ces principes de en arrière ou en avant ou tout ça qui va changer ce phénomène-là et que l'autre joueur va devoir s'acclimater ou essayer de deviner pour pouvoir faire des attaques défensives adéquates. Mais écoute, c'est très complet comme critique. J'aime ça, Andrew, quand tu fais des chroniques comme ça. On a toujours l'heure juste. Et autre question que j'avais pour toi, pour le graphique, là, passons outre le fait que c'est des jolies demoiselles en soeur et tout. Est-ce que c'est quelque chose de un beau graphique, quelque chose de beau, là? Ben, je vous dirais que c'est quand même un très beau graphique. Je vous dirais que les décors sont quand même très bien. Les textures sont quand même très bien. Seul, peut-être, petite bémol, je trouve, c'est que dans certaines cartes ou arènes de combat, quand il fait noir et on a de la lumière, ils ont peut-être mis un effet aveuglissant un petit peu trop haut. Aveuglant, oui. Aveuglant, oui, merci. Opu. Mais aveuglant. Et tu sais, je comprends que c'est des lumières, des fois, qui peuvent être très fortes, mais il y a toujours bien des limites à ce que l'halo de l'ampoule dans la bâtisse prenne le trois quarts de l'écran. Là. Ces genres d'affaires-là, je trouve que les effets de lumière ont été peut-être un petit peu trop exagérés. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est dans l'optique où, justement, comme je parlais, ils ont mis la saleté et la sueur sur les personnes. Fait que là, ils ont comme... un petit peu exagéré, mais je vous dirais, si vous avez aimé les séries de Dead or Alive, ils ont pas été trop innovateurs, puis ils ont pas été trop en arrière. On a acheté quelques petits candy, mais t'sais, ils ont pas sorti des nouvelles mécaniques de jeu. Fait que je vous dirais, si vous avez aimé le 4, vous allez adorer le 5, c'est sûr et certain. Puis je vous dirais que c'est un bon achat, mais peut-être à attendre qu'il baisse de prix. Moi, je l'avais pogné au Boxing Day, fait que je l'ai pas eu cher, mais sinon, je pense qu'il est encore plein prix. Fait que c'est peut-être à attendre un peu parce que comme tout jeu Dead or Alive, ça vaut pas 60$. Mais 40, oui. Je suis prêt à payer 40 pour ce jeu-là, mais pas 60. Excellent. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette critique. Et l'heure avance rapidement. Est-ce que, M. Castegan, vous aviez... On peut aller avec une petite nouvelle rapide. Non, j'en ai plus. Même plus, ça va tellement vite. Écoutez, on en profite parce que là, aujourd'hui, on a quelqu'un en studio avec nous, Pierre-Olivier, qui est en studio avec nous, qui fait une émission à Sequoia depuis janvier, qui est une émission sur la musique de jeux vidéo. Salut Olivier, c'est Pierre-Olivier, ça va bien? Oui, ça va. Et là, t'as commencé ça en janvier et tu parcours tout l'univers. D'abord, c'est quoi le nom de ton émission? Mon émission s'appelle DJ Adlib. Donc, c'est présenté le samedi à 17h. Exactement. Pendant une heure, donc de 17 à 18h les samedis. Et là, tu nous présentes toutes sortes de musique de jeux vidéo. Est-ce que tu as quelque chose, un fil conducteur qui nous amène à quelque part en particulier ou tu vas vraiment partout? Je vais partout, mais à chaque émission, je suis un thème en particulier. Comme ma première, c'était sur les jeux Zelda. La semaine passée, la semaine d'avant, j'ai fait un épisode sur les shareware. Et puis là, je me prépare à faire un gros marathon sur un genre qui regroupe énormément de musique. Donc, ça va prendre plusieurs émissions pour tout couvrir. Et on parle de quel genre de jeu? Eh bien, je vais annoncer déjà, ça va être les RPG. Excellent. Donc, ça s'en vient, mesdames et messieurs, dans les prochaines semaines. Donc, DJ Adlib à Sequoia FM, 88.3 à Québec, les samedis de 17h à 18h. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, d'être passé à l'émission, d'être venu nous voir, parce que tu étais là tout le long de l'émission pour voir un peu à quoi ressemblait Puissance Maximale, parce qu'évidemment, nos émissions, vu ton sujet, là, on va se connecter comme ça, et on va pouvoir se parler musique. Et bien évidemment, on vous rappelle que Pierre-Olivier est là à 17h ce samedi pour vous faire écouter de l'excellente musique de jeux vidéo. Donc, c'est déjà la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale. Je remercie M. Andrew Castegan à la console. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là, d'avoir critiqué Dead or Alive 5 pour nous. Merci à tous nos auditeurs qui ont interagi avec nous pendant l'émission. Il y en avait pas mal aujourd'hui. Et on a eu... je pense qu'on a battu le record de vitesse. Ouais, pour un concours à Puissance Maximale, parce que normalement, c'était pas le téléphone, hein. Fait que, ouais, fallait compter la période de décrochage, composage. Mais là, c'était toc, direct. Félicitations à M. Bailey qui a gagné la course des étoiles. Merci beaucoup à l'équipe du Scorpion Masqué qui nous a fourni ça. Ils ont permis de critiquer, d'y jouer pour en parler. Des très beaux jeux, des excellents jeux. Merci beaucoup à toute l'équipe du Scorpion Masqué. Mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, excusez-moi, et allez écouter nos anciennes émissions, podcasts et lire nos nouvelles. Allez sur Facebook, aimez la page Facebook, parce que nous, on vous aime. Appuyez sur le petit bouton j'aime pour pouvoir participer au concours de Puissance Maximale et avoir toutes nos nouvelles. Et en terminant, je vous souhaite, comme à notre habitude, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to... In my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify, it's D&D! Virgins, till the day we... One, two, three, four, yeah!